Cette semaine, au Undead Incorporated Show réanimation, pas de présentation d'album, ce qui signifie plus de bandes différentes à diffuser que du bon métal méchant et ou bien gras. Un heureux mélange de pièces provenant de différentes parties du monde, entre guillemets, tel l'assemblage complexe d'une créature morte et remise à la vie à partir de plusieurs membres et organes prélevés çà et là sur divers cadavres. Et même que parfois, ces composantes ne sont pas toujours prises sur des cadavres. Donc, si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose depuis ce matin, eh bien dites-vous que vous contribuez à la science. Mais peut-être pas pour longtemps. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous donne l'impression de faire partie d'un casse-tête et que vous êtes le morceau de trop qui n'aura pas sa place et qu'il faut jeter. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletés de contenu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Mercredi 3 septembre, 19h, votre radio Cifou 89.1, en collaboration avec l'AGE, présente le grand spectacle de la rentrée 2014. En vedette, The Dead Hobbies, Radio Radio et Mystère Valère. Entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante. Sinon, 30$ à la porte pour les non-étudiants. Ne manquez pas The Dead Hobbies, Radio Radio et Mystère Valère ce mercredi 3 septembre à 19h sur le campus de l'UQTR. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30$ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99$ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. C'est fou, 89.1. Je ne souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation, première de septembre, le 2 de l'an des disgrâces 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai jusqu'à 21h avec cette belle programmation de Ballroom Orchestra. On vient d'entendre avant la pause publicitaire la formation Fear Factory et la pièce Bone Scraper. D'ailleurs, le mien s'est cassé cet après-midi alors que Gustave m'a fait un vilain croc en jambe et je suis tombé par terre et j'ai cassé mon bone scraper et je me pose toujours la question qui est celle-ci, comment un fantôme a réussi à me faire une jambette? J'en ai aucune idée. Bref, Bone Scraper est tiré du sixième album studio complet de Fear Factory, soit Archetype, qui est paru en 2004. Formation qui existe toujours, et l'an dernier, l'alignement n'était constitué que d'Eno Cazares, le guitariste bien entendu fondateur aussi, et Burton Sibel, le vocaliste, et maintenant, ils ont des membres qui sont officiellement, et je dirais de façon, en fait, permanente, c'est dur de dire dans le monde de la musique, là, mais présentement, ils sont officiellement membres de Fear Factory, soit Matt DeVries, pardon, qu'on a vu, entre autres, dans Six Feet Under, Lamb of God, Unhurt, et ainsi de suite, et Mike Heller, qui, lui, est d'une succession de formations que je ne connais pas vraiment, mais entre autres, de System Divide et de The Samboel, donc, ce sont des gens qui ont une certaine carte de visite intéressante. Juste auparavant, nous avions Gojira, bien entendu. J'imagine que vous avez tous reconnu Gojira. Et la pièce étant The Heart of Dying, qu'on retrouve sur The Way of All Flesh, qui est l'avant-dernière parution en 2008 de cette formation française, parue sur Listenable Record. D'ailleurs, j'imaginerais qu'en 2015, Gojira devrait nous apporter un nouvel album. Voivod, la pièce Mercury, qu'on retrouve sur Phobos, pardon, qui est paru déjà il y a, ma foi, dans quelques années, il y aura 20 ans, soit en 1997, sur Hypnotic. Et nous avons ouvert avec Oblivion, Such as Quiet River, que l'on retrouve sur Carnivore, Modern Mouth, qui est paru en 99 sur Hypnotic également. C'est la dernière parution complète studio de la formation montréalaise Oblivion. Et je sais qu'ils se produisent encore à l'occasion en spectacle, mais je crois qu'il n'est plus question d'enregistrer pour eux. Ceci dit, cette semaine, je n'ai pas de chronique musicale. Pour la simple et unique raison que je n'ai pas vraiment trouvé des choses intéressantes, en fait, à mon goût, à moi, qui suscitaient l'intérêt, qui suscitaient minimalement l'intérêt d'en parler. Mais aussi, une double raison, c'est que je n'ai tout simplement pas eu le temps. Par contre, j'aurai une petite chronique cinéma, parce que j'ai vu des trucs assez intéressants depuis la semaine dernière et qui valent probablement la peine d'être revus. Mais ceci dit, cette semaine, nous avons quand même passablement de choses musicales à diffuser parce que j'ai fait une espèce d'assemblage, comme je le disais, de différents styles de musique et de différentes formations qui vont donner des blocs franchement plates et emmerdants. J'en conviens humblement, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le choix de changer de poste. Mais non, c'est une blague, ça va sûrement être bon. D'ailleurs, on va continuer musicalement à l'instant avec des formations, un bloc dans lesquels on va entendre des formations, entre autres, on va débuter avec Atheist dans quelques instants. On va entendre aussi Aborted, une autre formation qui est européenne francophone, cette fois-ci de Belgique, mais aussi Garde des Trônes. Et Garde des Trônes s'était séparé en 2012, je crois. C'était peu de temps après la sortie. C'était quelques temps, effectivement, après la sortie de Under the Sign of the Iron Cross. Ils s'étaient abruptement séparés, mais ils se sont reformés en 2014. Donc, j'imagine qu'il y aura autre chose qui sera à sortir éventuellement pour Garde des Trônes. Une formation que je trouve très correcte, qui donne dans un death metal la tendance blackened par moment, mais pas trop à mon goût. Et formation qui vient des Pays-Bas, donc c'est une base intéressante pour ce genre de musique. On va les entendre de ce bloc-ci, mais tout de suite, comme je le disais, Hey, Fictitious Glide, go! Yeah! Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30 $ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Fou de musique, fou de chronique, fou de passion. Prends enfin le micro pour te faire entendre. Votre radio C'est fou est toujours à la recherche d'animateurs passionnés ou de chroniqueurs intéressés, intéressants. Donne-toi la chance de vivre une expérience radiophonique enrichissante et joins-toi à l'équipe de C'est fou. Pour plus d'informations, prog C'est fou à commercial uqta.ca ou visite le c'estfou.ca. Mercredi 3 septembre, 19h, votre radio CIFU 89.1, en collaboration avec l'AGE, présente le grand spectacle de la rentrée 2014. En vedette, The Dead Hobbies, Radio Radio et Mystère Valère. Entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante. Sinon, 30 $ à la porte pour les non-étudiants. Ne manquez pas The Dead Hobbies, Radio Radio et Mystère Valère ce mercredi 3 septembre à 19h sur le campus de l'UQTR. De nouveautés. 89.1. Well, 19h55, je sais, je vous avais annoncé du Godly Throne. Mais il semble que les lecteurs étaient récalcitrants envers cet album. Peut-être trop violent pour eux, je ne sais pas, mais bon, ça sera une autre fois. Aborted est la pièce Cenobites, tirée de Necrotic Manifesto, dernier album paru de cette formation belge en 2014 sur Century Media. Les Cenobites sont des personnages que j'aime beaucoup, qui sont tirés de l'imagination de Clive Barker. D'ailleurs, le premier film qui est paru en 1988, qui a fait principalement connaître Doug Bradley parce qu'il jouait Pinhead, le chef des Cenobites. Il reste toujours pour moi un des films, des albums, des films fétiches d'horreur jusqu'à ce jour. Nous avions auparavant Divine Heresy, formation qui vient des États-Unis et qui est un side project de Dino Cazares, bien entendu, qui est derrière aussi Fear Factory. Divine Heresy, qui existe toujours, mais dont la dernière parution date de 2009, Bringer of Plagues. Ils ont connu certains problèmes avec leur chanteur, puisque le premier album dont était issue cette pièce, soit This Street Is Real, tiré du premier album Bleed the Fifth, paru en 2005, et le vocal était fait par Tommy Cummings, qui, selon les dires de Dino Cazares, a été simplement renvoyé. Vous pouvez le prendre dans le sens du terme qui vous fait plaisir, parce qu'il était très peu professionnel, mais très peu professionnel à quel niveau, je n'en ai aucune idée. Il était remplacé par Travis Neil, qui a fait le deuxième album, Bringer of Plagues. Je préférais le vocal de Tommy Cummings quand même, mais bon. Formation qui donne, évidemment, on sent très fortement les influences de Fear Factory à l'arrière, parce qu'on sait que Dino Cazares a une façon de composer, il n'a pas 36, et c'est Fear Factory. Donc, bien entendu, on retrouve vraiment des éléments de Fear Factory dans Divine Heresy. Auparavant, nous avions Bloodbath, formation Bloodbath, qui est une formation de Suède, qui, la pièce étant Wretched Human Mirror, qui est la pièce de fermeture de cet album de Fathomless Mastery paru en 2008, mettait au vocal en vedette nul autre que Mike Ackerfeld de Hopeth, mais aussi mettait dans ses rangs les Jonas Rengse, qui est aussi de Catatonia, à la basse, Anders Nystrom, guitare et vocal de Catatonia, maintenant, je veux dire au niveau du vocal, backing principalement, Martin Axenroth, qui est une, évidemment, c'est un membre de Hopeth. Et la guitare, père, Erickson, qui lui aussi faisait partie de Catatonia. Eux autres aussi, ces petits amis-là de Bloodbath n'ont rien sorti depuis 2008 avec The Phantomless Mastery. Donc, c'est probablement plus un projet qu'autre chose. Donc, peut-être qu'un jour, ils reviendront. Et un ouvert avec Atheist et la pièce Fictitious Glide. On en trouve sur Jupiter, qui est paru en 2010 sur Season of Mist. Ça aussi, Jupiter, c'est la dernière parution de cette formation américaine qui donne dans un métal très éclaté qui tantôt tend vers le jazz, tantôt vers, peut-être plus le c'est ça là, hein? OK, vous savez quoi, j'imagine, là? Le groove, voilà. Le death. Le funk par moment. Donc, c'est une formation qui est très, très éclatée et Atheist, qu'on a eu la chance de voir lors d'un des Metal Fest passés, ici même à Trois-Rivières. C'était quand même une belle shot là, de la part de Trois-Rivières Metal de nous amener Atheist. Ça avait été un très bon spectacle d'ailleurs. Côté cinéma, maintenant. Ce vendredi, le 5 septembre, c'est la sortie du film The Remaining, un film qui est de Casey La Scala. C'est lui qui nous a donné en 2001, je crois, c'est Donnie Darko, qui est un film quand même assez weird, là, je dois dire. C'était pas un grand chef-d'œuvre, là, mais c'était un film assez weird, assez intéressant. Donc, The Remaining, c'est un film d'horreur, bien entendu, qui raconte l'histoire d'amis qui doivent assister à un mariage et qui la célébration est abruptement interrompue par des événements apocalyptiques. Donc, le poster du film est vraiment très, très beau. Vous devriez aller voir ça. Allez voir ça sur le site de réanimation AD.com. Vous allez arriver directement en cliquant sur le poster, justement, sur le site officiel du film. C'est en salle ce vendredi 5 septembre. Écoutez, ici, dans la région de Trois-Rivières, là, je m'imaginerais que on l'aura probablement pas. Mais si vous voulez, ou si vous êtes de la grande métropole ou même de la région de Québec, je suis certain que vous allez avoir l'occasion de pouvoir trouver un cinéma qui va le proposer. Le 12 septembre prochain, c'est Jezebel, qui est un film d'horreur qui est de Kevin Grotter. Ça devrait être assez pas pire. Les previews sont inspirants, mais encore là, des fois on met le paquet à ces previews puis il reste plus rien pour le film. Fait que c'est à suivre. Film que j'ai écouté qui porte en fait deux noms, soit Rage et Tokarev. Qui est un film de Paco Cabezas, qui met en vedette Nicolas Cage. Tokarev, c'est une marque de pistolet russe. C'est un film d'action, de crime, qui raconte l'histoire de Paul McGuire, qui est un ancien policier, qui n'est plus policier parce qu'il a reconnu certaines séquences professionnelles qui ont été quelque peu tumultueuses, et dont la fille est kidnappée, et sauvagement abattu, dont le corps a été retrouvé sous un ponceau dans un ruisseau, et avec d'anciens confrères et amis, eh bien il décide de prendre en main l'histoire de trouver qui aurait assassiné sa fille pour aucun motif, des copains de cette jeune fille-là qui était assassinée racontent qu'ils avaient fait une petite soirée à la maison de Nicolas Cage alors que lui et sa femme étaient sortis pour la soirée et que il y a eu une introduction forcée dans la maison par des hommes cagoulés et qu'il y a eu bagarre et c'est eux qui sont partis avec elle. Donc lui, il va mettre tout en place pour retrouver qu'est-ce qu'il en est, retrouver ces gens-là, mais au fur et à mesure, les pistes sont complètement brouillées et il l'amène dans une toute autre direction. Et il est confronté, il est certain que la mafia russe est sur les lieux parce que le revolver qui aurait servi au crime est un Tokarev. Et les Tokarev sont les armes prisées par la mafia russe. Donc, il va s'acharner envers un clan de mafia russe et c'est pas une bonne idée, ça semble-t-il. Ça a l'air que c'est une très mauvaise idée. Il s'en suivra énormément d'actions, beaucoup de violence, quelque chose qui m'aura... Le film est en crescendo. Il est quand même assez bien fait pour devenir assez captivant, je dois dire, à partir de peut-être le deuxième tiers du film. Mais le début du film est intéressant aussi, mais c'est vraiment pas posant par moment. C'est pas un grand film. On s'entend que c'est du film de consommation. Je dirais, à la rigueur, pratiquement jetable. Mais quand même, je lui ai donné un 7.5 sur 10 parce que ça m'a permis de passer un bon moment de cinéma très divertissant et rempli de choses farfelues comme beaucoup de d'hémoglobine. Autre chose, un film que j'ai vraiment aimé, qui est vraiment d'un tout autre style, qui est un drame sportif, oui. C'est étrange de ma part, je l'avoue. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne parle pas vraiment de partie de sport. Mais on parle de ce qui se passe à l'arrière. Un film qui porte le nom de Draft Day, qui met en vedette Kevin Costner, et qui raconte la journée, l'avant et la journée, l'attente avant la journée des échanges à la NFL, la Ligue nationale de football américaine, bien entendu. Et Kevin Costner joue le rôle du directeur général de l'équipe des Browns de Cleveland, parce que ce ne sont pas des clubs fictifs, ce sont des clubs réels. Et ce sont toutes les stratégies et les magouilles entre divers directeurs, propriétaires, pour en arriver à cette heure et cette journée fatidique qui c'est l'échange officiel. Vraiment, le film est intéressant, je dois dire, parce que on comprend une chose, c'est que ne dites jamais ce que vous pensez à personne lorsque vous avez l'intention d'arriver à vos fins, parce que vous allez vous faire démolir. Et ici, le personnage de Kevin Costner, qui porte le nom de Sonny Weaver, est très, très intelligent et aussi très, je dirais, à la rigueur, manipulateur dans sa façon de faire. C'est un film qui est fort intéressant, je dois le dire, qui n'a pas, c'est pas un film d'action, c'est un drame, vraiment, à connotation sportive, mais on voit pas de partie de football là-dedans, à peu près pas, on voit des footages de vieux matchs, ainsi de suite, mais c'est tout. C'est très bien joué, et je dois dire une chose, les trois derniers films que j'ai vus, dans lesquels Kevin Costner interprétait un rôle, eh bien, ils étaient pas mal bons. Et contrairement à ce qu'on... Il a connu une séquence de carrière, lui, qui a été, je dirais, relativement misérable, là, voire même, par moments, un peu médiocre. Mais je pense que certains acteurs, dont il fait partie, reconnaissent un bel essor de carrière en vieillissant. Et je crois qu'ils réussissent à camper beaucoup plus qu'ils devraient faire comme choix de rôle que de prendre n'importe quoi. Donc, Draft Day, c'est un film que je vous recommande, qui est quand même très intéressant. J'ai terminé hier soir la dernière saison de Breaking Bad, saison 5, qui a été diffusée en 2013 sur AMC, et je dois vous dire que c'est vraiment très bon. C'est vraiment excellent. J'avais un peu d'appréhension à la conclusion de cette série-là, parce que souvent, on nous tient en haleine, on nous donne des épisodes qui sont vraiment très, très forts, très intéressants. Et la conclusion de la série, des fois, est un petit peu en queue de poisson. Ici, pas du tout. C'est terminé de façon admirable. C'est vraiment excessivement bien interprété de la part de à peu près tous les acteurs qu'on y retrouve. C'est fort crédible. J'ai découvert l'acteur Bryan Cranston sous un tout autre angle, d'un personnage qui est profondément intoxiqué au crime et qui se voit complètement dépassé par les événements, mais aussi par ce qu'il prend comme décision et se criminalise lui-même par son assistant qui est joué par Aaron Paul, qui est un jeune acteur tout à fait excellent, et Anna Gunn qui joue le rôle de sa femme Skyler, qui est vraiment bonne aussi. En fait, c'est une excellente distribution. Vince Gilligan, qui est le créateur derrière Breaking Bad, est vraiment quelqu'un de très, très, très brillant. Et parce que je dois vous dire que selon ce que j'ai lu un peu partout sur les sites spécialisés, que concorde vraiment avec ce que je crois, Breaking Bad est sans l'ombre d'un doute l'une des deux meilleures séries télévisées de possiblement tous les temps. Donc, j'ai terminé ça hier. Je maintiens encore ma note de 9.5 sur 10. Elle n'est pas parfaite. Il y a un épisode qui est vraiment moche, je dois le dire, qui s'appelle The Fly, la mouche. Celui-là vient briser quelque peu la magie, mais c'est très, très vite réparé. Donc, Breaking Bad, si vous avez été comme moi et avez attendu avant de découvrir cette série-là, eh bien, lâchez-vous lousse. Par contre, je dois vous mettre en garde, vous ne serez pas capable d'écouter un seul épisode à la fois. Truc que je vous recommande cette semaine de découvrir ou de revoir, c'est un film qui est de, entre autres, de Alison Anders et Alexander Rockwell. Plus, il y a deux autres aussi cinéastes qui sont mis en contribution. C'est un film de 1995 qui est une comédie dramatique qui porte le nom de Four Rooms. C'est un film à sketch, quatre sketchs, qui met entre autres en vedette, principalement en vedette, Tim Roth, qui a rapport avec tous les sketchs, qui est le groom de service d'un hôtel, Antonio Banderas, Selma Hayek. On voit même dans les sketchs, Quentin Tarantino, plusieurs gens qu'on voit fricoter avec Robert Rodriguez et Tarantino. C'est un film quatre sketchs qui, l'un dans l'autre, s'emboîte éventuellement, temporellement. C'est vraiment excellent. Il y a d'excellents gags. Il y a aussi d'excellents gags noirs. Il y a une partie un peu plus dramatique. Et on y voit même Madonna dans ce film-là. Et je dois dire qu'elle est bonne. Elle est bonne. C'est la séquence des sorcières. Elle est bonne. Donc, Four Rooms, c'est un film auquel je donne un 8.5 sur 10. Un film qui a bien vieilli et on ressent pleinement l'essence du film tordu, mais aussi quelque peu imprévisible de Tarantino et Rodriguez. Donc, je vous le conseille fortement. Je vous dis que la semaine prochaine, ce sera un spécial métal années 80. Donc, on pataugera entre 1980 et 1989. Rien avant, rien après. Consacré uniquement à cette décennie. Donc, pour avoir des trucs que vous allez sûrement reconnaître, bien entendu, mais peut-être des choses que vous allez redécouvrir aussi. Donc, nous allons continuer musicalement cette fois-ci avec une formation américaine que l'on a vue il n'y a pas si longtemps que ça encore au Metal Fest, ici même à Trois-Rivières. Il s'agit de Jungle Rot. Hey, this is Jeff Bob from Jungle Rot, and you're listening to CFOU 89.1 FM.

Revelation 666, une pièce qui m'enchante totalement. C'est une pièce de Necrophobic, c'est tiré de l'album Death to Hell, qui est paru en 2009 sur Reagan Record. Cette pièce-là, on peut pas dire autrement, elle est remplie d'énergie. Necrophobic, une formation qui donne, elle aussi, dans un death metal à forte tendance blackened. Mais encore ici, je dois le dire, vraiment très bien dosé. En ce qui me concerne, pas chaleureux du tout. Juste auparavant, nous avions Morbid Angel, de l'époque de Steve Tucker, la pièce Enshrined by Grace, que l'on trouve sur Heretic, qui était l'avant-dernier album, paru en 2003. On sait que Morbid Angel ont eu une longue séquence de tournées, de festivals, de spectacles sans produire absolument rien en studio. En fait, il aurait fallu attendre pratiquement 9 ans avant que Morbid Angel reproduise, enregistre un nouvel album. Et ça mettait aussi une date officielle au retour du bassiste-chanteur David Vincent. Juste auparavant, nous avions Vomitory, la pièce Shrouded in Darkness, qui est tiré de l'album Opus Mortis 8, qui est paru en 2011. Et ici aussi, mettait un terme à la formation Vomitory. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils vont faire comme God Dethrone et revenir. Parce que moi, je trouve que ça serait intéressant qu'ils reviennent. C'est ce genre de death metal rond que j'aime bien. C'est de l'étiquette Metal Blade. Nous avions Vader, une pièce tirée du dernier album de cette formation polonaise, soit le titre de cet album étant TB et Igni. Sur l'étiquette Nuclear Blast, la pièce étant Axon Castle. Le dernier album de Vader est correct aussi, sans être vraiment, extraordinaire. Ils sont égales à ce qu'ils font. Bref, c'est un death metal qui est fort correct, qui, généralement, sans surprise, sans innovation, mais égal. Et on a ouvert avec Jungle Rot et la pièce Their Finest Hour, que l'on retrouve sur Kill on Command. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose de fort important. Ce sont les pestacles. Je vais y aller de ce pas. Les pestacles. Présentation de BCI. Vous pourrez voir le vendredi 5 septembre prochain à 17h au Fofones Électrique, The Gate of Guilt, le North American Tour, version 2014, bien entendu, avec Arsis, Lagayan et Ex Mortus. C'est au Fofones Électrique au coût de 15$ et 20$ taxes incluses. Le retour de Belphégor, bien sûr, Belphégor vient de sortir un nouveau disque que moi je n'ai pas aimé du tout. Bref, j'imagine que ça en prend pour tous les goûts. Ils seront On Voices from the Dark, au Club Soda, le jeudi 25 septembre prochain, 19h, avec Rotting Christ, Beheaded, Isvart Crown. Rotting Christ, ça doit être fort bon spectacle d'ailleurs. Retour de Deicide aussi, en compagnie de Septic Flesh, Inquisition, Abysmal Down, Karak Angren. C'est le vendredi 10 octobre prochain, 19h, au Théâtre Corona. Il en coûtera 25$ et 30$. Taxes incluses, c'est disponible à billetterie du Théâtre Corona. Levite, en compagnie de Tyr et Metzatol. C'est samedi 18 octobre prochain, 20h, au Théâtre Corona également, au coût de 25$ et 30$. Taxes incluses. Ici aussi, c'est à la billetterie du Théâtre Corona qu'on se procure l'accessibilité Arch Enemy, Creator, Huntress et Starkill le 27 octobre prochain. C'est un lundi à 19h au coût de 30 et 43 et 34 78 plus taxes. Via Ticketmaster, il y a aussi des billets VIP qui sont en vente et ça se commettra au Metropolis. The Carnival of Death, version 2014, mettant en vedette Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, qu'on a entendu un peu plus tôt, Pyrexia, Internal Bleeding, le lundi 3 novembre prochain à 18h, au Foufounes Électrique, au coût de 22$ et 27$, taxes incluses. 21h42, l'émission s'achève tranquillement, pas vite, mais sûrement. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est un spécial Metal années 80. Donc, vous allez entendre, évidemment, du heavy metal, du thrash metal, mais aussi du death metal, parce que le death metal était pas mal amorcé vers les années 80. Pas sous sa forme actuelle, bien entendu, mais je parle des précurseurs et des pionniers. Donc, je vous invite à être présent. Aussi, ce vendredi 5... Septembre, dès 11h, c'est le retour de Rock Classic après la pause de vacances. Donc, le Rockmaster et moi serons à la barre de Rock Classic pour vous faire, en fait, j'espère qu'on va vous faire plaisir parce que des fois, on est un petit peu weirdo, mais c'est pas grave. Pour faire découvrir aussi plein de trucs au niveau du rock, avec les chroniques des groupes obscurs, avec les albums classiques. Mais aussi, on a des nouvelles formules, cette nouvelle saison, parce qu'on entreprend une nouvelle saison au niveau de la radio. On va avoir les nouvelles du rock et on va avoir toujours la formule des éphémérides. Éphémérides que je ne faisais pas à l'époque avec le Rockmaster, mais maintenant, elles seront faites entre lui et moi, d'une façon un peu plus abrégée. Donc, nous consacrerons à la journée même en tant que telle. Il y a représentation, bien entendu, de nouveautés telles le nouvel album de Hayes Frehley, de Hopeth, Tom Petty. Donc, c'est un rendez-vous pour les vrais amateurs de vrai rock, dont je suis, bien entendu, parce que Nice Boys don't play rock and roll. On va continuer musicalement cette fois-ci avec une formation qu'on a écouté le nouvel album la semaine dernière. Il s'agit de Hand Tomb, pièce tirée de Inferno qui est paru en 2003. C'est un très bon album. On va entendre aussi du Slayer. Donc tout de suite, allons-y avec The Fix Is In. Go! I was the boy. Slayer, Flashstorm. Je pense que ça porte assez bien son titre. C'est tiré de l'avant-dernier album de Slayer Christ Illusion, qui est paru en 2006. Et je me demande fortement si Slayer vont produire bientôt un album solo qui incorporera Gary Holt. On sait qu'ils nous ont fait la pièce Implode, single qui nous ont été une espèce donnée comme étant un cadeau, si on veut, peut-être pour nous faire patienter. C'est paru le 24 avril dernier. Par contre, Gary Holt n'apparaît pas sur la composition de cet album, ou en fait, minimalement, il l'a peut-être fait, mais il n'y a pas de crédit à ce niveau-là. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir si Slayer vont nous ramener quelque chose avec Gary Holt. Paul Bostaph, tant que lui, est vraiment membre à part entière de Slayer. Donc, il l'a déjà été. Il est revenu. Mais je trouve un peu étrange. C'est peut-être Holt en tant que tel qui décide de ne pas vouloir faire partie activement de Slayer parce que son band Exodus semble lui tenir vraiment à cœur. Peut-être que l'entente est simplement pour les tournées, quoi qu'il semble faire un très bon travail aussi. Je trouve qu'il va bien avec Slayer, d'ailleurs. Juste auparavant, nous avons Entomb et la pièce de Fix Is In. C'est tiré d'Inferno, un album qui est paru en 2003 sur Music 4 Nation. C'est un des bons albums de Entomb, d'ailleurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on avait présenté le dernier album de Entomb, ben, il y a une petite correction, il faut que je vous dise, c'est Entomb AD. Donc, dans la forme, c'est Entomb sans Alex Elid, mais c'est pas complet, si on veut. On va se quitter sur une dernière pièce d'Exodus. Justement, j'ai de la suite dans les idées, une pièce tirée de Exhibit B de Human Condition. La pièce étant Beyond the Pale. Et bien entendu, je devrais... Ah, Gustave arrive à brûle pour point pour la... Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, ben je laisse Gustave vous donner le mot de la fin. Ça commence par « Allez tous vous faire » et ça finit par « Foutre ». La semaine prochaine, ciao.